C'est un temps de saison, ce temps qui passe et ne peut rien pour nous deux qui sommes moins heureux jour après jour, de moins en moins pour toujours. De ce temps, je me languis si fort. Rêver me demande tant d'efforts. Je suis là de me regarder, ce mal m'a lentement épuisé. Je peux encore t'entendre parler, assis dans cette chambre claire. Ce moment ne passe qu'une fois. Je vois ton visage, je ne suis plus sans toi. Je ne fais que rêver. Si je ferme les yeux, je t'imagine assis dans cette chambre claire. Ta photo est toujours sur mon mur et dans ma tête. Je ne fais que rêver. Je suis là de me regarder, ce mal m'a lentement épuisé. Je peux encore t'entendre parler, assis dans cette chambre claire. Ce moment ne passe qu'une fois. Je vois ton visage, je ne suis plus sans toi. Je ne